quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux thèses d'histoire soutenues cette année, aujourd'hui Paris et Venise au XVIIIe et XIXe siècle. Trois thèses remarquables aujourd'hui qui nous parlent d'hier et en même temps, évidemment, comme toujours avec la bonne histoire, qui nous parlent évidemment d'aujourd'hui. Alexandre Frondizi nous propose, en ces temps de Grand Paris, de réfléchir à l'urbanisation du quartier de la Chapelle et de la Goutte d'Or au XIXe siècle. Jeanne-Laure Lecouang réfléchit, en ces temps d'état d'urgence, à l'état d'exception et à la surveillance des suspects sous Bonaparte et sous Napoléon. Et enfin, en cette semaine consacrée à l'environnement, au développement durable et au climat sur les antennes de Radio France et en particulier sur France Culture, eh bien Solène Rivoal nous expliquera comment les Vénitiens géraient leurs ressources halieutiques, comment ils géraient leurs ressources en poissons au XVIIIe siècle. C'est le thème de sa thèse. J'ai remonté la rue Le Pic après tant et tant d'années. J'ai cherché les vieilles boutiques, mais je n'ai rien retrouvé. Des buildings brillaient dans l'ombre sous un tas de publicités, et des cars grimpaient en nombre, bourrés d'étrangers. Mon maître, mon vieux, dis-moi donc un peu, dis-moi donc pourquoi, en revenant chez toi. Mon maître, mon vieux, dis-moi donc pourquoi je ne reconnais plus l'aspect de tes rues. Et oui, un titre de 1946 qui 56 pardon, de Cora Vauquer, Retour à Montmartre, qui est au cœur de votre sujet, pourrait-on dire, ou plutôt juste à côté, en l'occurrence, puisque vous travaillez, Alexandre Frondizi, bonjour. Dans votre thèse que vous venez de soutenir, c'était il y a une dizaine de jours, vous avez travaillé sur le quartier dit de la Goutte d'Or, donc à Paris, le quartier de la Chapelle, plus exactement, le nord de Paris, qui était un quartier à la fin du XVIIIe siècle, vous commencez à ce moment-là, qui était hors de Paris, hors de l'octroi, c'est-à-dire de ces murailles qui faisaient payer l'impôt lorsqu'on entrait dans la ville de Paris, la capitale du royaume. Et vous êtes intéressé à l'urbanisation de ce quartier du nord de Paris. Et évidemment, vous avez cherché les cartes et comme Cora Vauquer qui ne retrouve plus ses rues, vous aviez du mal vous-même à retrouver les rues puisqu'il n'y en avait pas à ce moment-là. Bonjour. Oui. En effet, j'ai fait une thèse sur le sud des actuels quartiers de la Goutte d'Or et de Clignancourt, deux quartiers du 18e arrondissement, en essayant de remonter aux origines de cette urbanisation, le tout en essayant de revisiter l'histoire de l'urbanisation parisienne et des révolutions parisiennes au 19e siècle. Mélanger urbanisation et révolution. Et révolution, en effet, à l'échelle de ce que j'appelle le premier grand Paris populaire. Mm. Il s'agit donc de, par un changement d'échelle, de mettre à l'épreuve les récits traditionnels de l'urbanisation et des révolutions du 19e siècle, et en particulier de 1848. Alors, ces récits traditionnels expliquent généralement que l'urbanisation de ces quartiers tient à l'arrivée du chemin de fer, par exemple, de la gare du Nord, à l'arrivée des industries qui accompagnent évidemment ces chemins de fer. Or, vous, vous faites une démonstration extrêmement brillante dans votre thèse qui démontre effectivement que cette urbanisation, elle n'est pas programmée par un État, par une municipalité, qu'elle est en dehors de la municipalité de Paris, parce que à ce moment-là, effectivement, à la fin du 18e ou au début du 19e siècle, eh bien, ces quartiers sont périphériques à Paris, en dehors de l'octroi, et qu'elle est due à des agents, des acteurs, qui sont des acteurs variés, qui sont des investisseurs, qui sont des commerçants, et qu'il n'y a pas de lien direct avec cette urbanisation liée à l'industrialisation et l'arrivée du chemin de fer qui était plus tardive. Vous résumez parfaitement ma thèse. En effet. Merci. Je vais vous laisser la développer tout de même. Peut-être mieux que moi. En effet, l'objectif, ou l'un des objectifs, était de revoir la chronologie de l'urbanisation de ce qu'on appelait la petite banlieue. Donc de ces communes périphériques, ou en tout cas de la première couronne parisienne. puisque le récit traditionnel nous dit qu'elle s'urbanise avec l'arrivée des immigrants de province à la gare du Nord, qui se logeraient à proximité de cette gare, ou également que ces quartiers s'urbaniseraient grâce ou à cause des travaux haussmanniens qui expulseraient les ouvriers du cœur de la vieille ville, contraints de déménager outre-octroi ou dans les nouveaux arrondissements périphériques, puisque Haussmann, on ne l'a pas dit, annexe quand même ces communes en 1860. En 1860. J'insiste également sur l'idée que cette urbanisation ne se fait pas par le haut, mais qu'elle se fait par le bas. Donc par, vous l'avez dit, une série d'acteurs. Une multitude d'acteurs. Des centaines d'acteurs. Des centaines de personnes qui participent à créer, là où il y a une campagne, là où il y a une maison, la maison de la Goutte d'Or, que vous avez retrouvée, effectivement, sur les anciennes cartes, au pied de la butte des Moulins. Il y a donc une maison qui s'appelle la maison de la Goutte d'Or, et ensuite, ça deviendra un quartier, mais il faut attendre un certain temps, et il faut attendre surtout que tous ces acteurs se mettent en mouvement les uns après les autres, commerçants, investisseurs, qui créent des immeubles de rapport là où il y avait des champs. Oui, donc il y a une maison, et il y a cinq moulins. Cinq moulins gérés par une famille, en tout cas quatre d'entre eux gérés par une famille, la famille des frères, la famille Laforge, dont deux des frères se mettent eux-mêmes à spéculer sur ces terrains, ces champs qui environnent les moulins, ainsi que des banquiers, des architectes, des notaires, qui n'ont pas le droit normalement de spéculer sur ces terrains. Donc j'essaye de montrer, ou j'essaye de faire l'histoire de ce marché immobilier qui, grâce à un crédit interindividuel extrêmement dynamique, celui de l'obligation ou celui du prêt fait par le lotisseur lui-même aux acquéreurs, c'est pour ça que je préfère parler d'un lotisseur banquier, permet d'urbaniser à une vitesse extrêmement rapide des terres qui deviennent un quartier avec des immeubles à plusieurs étages, 5 étages, 6 étages. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces quartiers sont donc hors de Paris, on l'a dit avec vous, Alexandre Frondizi, à la fin du 18e, au début du 19e siècle et jusqu'en 1860, qu'ils sont très rentables, ces terres sont très rentables, ce sont des terres à blé, ce sont des terres riches de l'Île-de-France, et que bien qu'elles soient très rentables, ces terres, eh bien, on va accepter de les vendre pour les rendre encore plus rentables, mais avec une espérance de rentabilité qui est à moyen terme, expliquez-vous, Alexandre Frondizi. Et ça, c'est extrêmement intéressant. En ces temps de Grand Paris, quand on parle justement d'augmenter la surface de Paris, on se pose la question de comment faire, exproprier, acheter les terres, transformer des terres qui sont déjà rentables en autre chose. Eh bien là, vous avez un exemple que vous montrez dans votre travail de thèse qui est tout à fait remarquable. Effectivement, la spéculation immobilière, l'urbanisation apparaît à certains acteurs comme étant plus profitable que l'exploitation agricole ou artisanale, industrielle de ces terres, puisque finalement la meunerie est déjà un artisanat rural. Vous dites à raison qu'il s'agit d'une spéculation à moyen terme, voire à long terme parfois, parce que l'histoire qu'on a faite généralement de ces lotissements est une histoire qui consistait à comparer simplement le prix d'achat des terres au prix de vente des lots de terrain. Or, l'intérêt de ces spéculations, c'est qu'elles deviennent aussi un investissement fait par des rentiers qui profitent surtout des prêts qu'ils accordent aux acquéreurs, des prêts à 5 ans prorogeables qui se transforment très rapidement dans des prêts à 15 ans. Donc ils empochent tous les ans 5% du prix qui est dû encore par les acquéreurs. Donc c'est un placement rentier. Oui, rentier et rentable en l'occurrence, rentable. Alexandre Frondizi, et vous nous expliquez bien que ces notaires, par exemple, comme Jean-André-François Rouquayrol, eh bien, ce Jean-André-François Rouquayrol va faire métier justement de lotisseur, qu'ils vont inventer des rues, parce que évidemment, pour entrer dans des nouveaux quartiers qu'ils vont lotir, il va falloir faire des rues, donc ils vont devenir urbanistes, même si ce sont des urbanistes dont on a oublié le nom et que vous êtes en train de faire ressurgir des archives, en l'occurrence Alexandre Frondizi, et qu'ils vont participer à ce que vous appelez une révolution urbaine silencieuse. Silencieuse parce qu'elle n'a pas donné lieu à des publications qui en parlent, mais très bruyante dès que l'on s'approche des archives des notaires. En effet, j'essaye de montrer que ces acteurs privés mènent une politique de la ville. Que cette politique de la ville n'est pas privée de règles, mais qu'elle mette en place des règles privées de la ville, des règles privées de la ville qui sont reprises à l'identique par les municipalités une fois que ces municipalités rendent publiques ces rues. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous nous montrez effectivement qu'il y a ce qu'on n'a pas cru auparavant, ou ce qu'on pouvait ne pas croire pour l'aménagement urbain, un jugement donc rationnel d'acteurs qui ne sont pas des acteurs qui sont mandatés par la puissance publique, ce ne sont pas des acteurs de la municipalité, ce ne sont pas des acteurs de l'État, mais que ces acteurs donc qui sont des acteurs privés, eh bien peuvent avoir donc un jugement rationnel qui permettra de faire de la ville là où il n'y en avait pas. Alors qu'on pense toujours que ça vient du haut, vous dites, moi je fais une histoire urbaine par le bas, Alexandre Frondizi. Non seulement faire de la ville, mais faire de la bonne ville, j'ai envie de dire. ils ne font pas Paris avec l'aide de la ville parisienne, ils font Paris contre la municipalité parisienne, parce que, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais cette urbanisation est au départ illégale. Oui, c'est... On ne peut pas urbaniser au-delà de l'octroi. Mmh. En tout cas, il y a une frange de 100 mètres sur laquelle on ne peut pas bâtir. Or, ces lotisseurs et surtout les acquéreurs, les lotis-bâtisseurs, construisent grâce à l'aide, cette fois-ci, des municipalités de banlieue qui sont dans un conflit géopolitique avec la capitale. Comme aujourd'hui, des municipalités de ce qui deviendra le Grand Paris avec la capitale. Exactement. Et évidemment, les conflits géopolitiques actuels ont sans doute inspiré mon travail. C'est en cela que mon travail est un travail d'aujourd'hui enraciné oui, dans notre temps. Ils font cela contre la municipalité, dites-vous, mais au bout du compte, ils sont soutenus tout de même par les municipalités des alentours, qui sont leurs municipalités, La Chapelle, Clignancourt, etc., etc. En effet, parce que ces municipalités... arrivent ainsi à affirmer leur souveraineté territoriale qui est mise en cause par la capitale, d'une part, et cela permet aussi d'élargir l'assiette fiscale. Les rentrées fiscales causées par l'urbanisation sont énormes, ce qui permettra à son tour aux municipalités, à partir des années 40, de s'investir dans la gestion urbaine, de s'associer à ces acteurs privés de l'aménagement du territoire, pour ensemble construire cette bonne ville dont je viens de parler. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne ville, justement, selon vous, en tout cas en tant qu'historien de l'urbain, qu'est-ce que c'est qu'une bonne ville qui, au bout du compte, fait un véritable morceau de ville, alors que ce sont des acteurs qui ne se sont pas, a priori, coordonnés entre eux, qui ont fait ces quartiers de ville qui deviennent aujourd'hui le quartier de la Chapelle ou le quartier de la Goutte d'Or à Paris? Une bonne ville, bon, je viens d'inventer l'expression devant vous, pour tout vous dire, elle apparaît pas dans la thèse. Non, j'ai pas lu, non, mais c'est vrai. Non, mais vous faites bien d'y rebondir. C'est déjà des rues qui sont toutes pavées par l'initiative des lotisseurs qui transfèrent les frais sur les acquéreurs. Oui, c'est ça. Ce sont les acquéreurs qui payent le pavage, qui remboursent le pavage avec aussi des taux d'intérêt, etc. C'est une ville où les rues sont éclairées. Très précocement. C'est une ville où des infrastructures intercommunales d'approvisionnement en eau de la Seine permettent de justement d'approvisionner en eau tous ces immeubles. C'est une ville où les immeubles sont alignés. Mmh. C'est une ville où il y a certaines interdictions, notamment de mettre en place des industries dites polluantes. Mmh. Donc vous voyez, il y a une véritable politique de la ville privée. Politique privée de la ville. Vous imaginez bien que dans des moments comme celui-ci, où on voit bien les tensions qu'il peut y avoir entre investissement privé urbain et investissement public, votre thèse peut paraître comme, disons, soit à contre-courant, si on plaide pour un investissement et une pensée urbaine extrêmement structurée venant d'en haut, soit une défense et illustration du travail des promoteurs. C'est assez intéressant justement que de vous voir, en tant qu'historien, nous faire l'écho au XVIIIe et au XIXe siècle de ce que nous vivons aujourd'hui, effectivement, ces tensions entre aménageurs publics et aménageurs privés de l'espace urbain. En effet, ce que j'ai découvert allait à l'encontre de mes a priori presque politiques, j'ai envie de dire. Mais j'ai dû constater que les intérêts privés et j'ai envie de dire presque égoïste de ces lotissaires, les conduisent à aménager de manière rationnelle et voire avec une certaine esthétique ces rues, puisque si ces rues sont... Aujourd'hui, les rues du Vieux Paris, d'une certaine façon, toutes ces rues, on les considère comme étant des rues du Vieux Paris, alors qu'elles ont un siècle et demi, un peu plus d'un siècle et demi. Elles ont un siècle et demi, et elles surgissent de lotissements privés, parfois illégaux. Alors que pour nous, Paris est une ville créée par le haut, par Haussmann. Mmh. Or, les quartiers qui symbolisent le Paris du 19e siècle, le Paris populaire, ont été en partie créés par le bas. Et évidemment, j'ai pensé en vous lisant à la thèse tout à fait remarquable de Charlotte Worms sur le quartier, un quartier de Madrid auto-institué comme cela par les habitants et qui devient ensuite un grand quartier madrilène, rejoint la municipalité de Madrid au XXe siècle. Effectivement, c'est très proche de votre propre travail, c'est-à-dire comment un désordre de courage, pourrait-on dire, parce que c'est un peu cela, un désordre de courage, des gens qui font un peu dans tous les sens, finissent par faire une ville qui se tient, qui existe et qui tient encore aujourd'hui, Alexandre Frondizi. Le travail de Charlotte Worms a beaucoup inspiré le mien. Et la comparaison apparaît à plusieurs reprises dans la thèse. Nous travaillons sur les mêmes acteurs, sur les mêmes espaces, évidemment. Des espaces périphériques au départ qui deviennent des espaces centraux. La seule différence, c'est que je trouve que l'autoconstruction... qui est un mythe aussi de l'histoire de l'urbanisation de ces périphéries. Ce que raconte Charlotte Worms, l'autoconstruction. Et ce qui est le cas à Madrid, ne l'est pas à Paris. Ouais. Puisque il apparaît impossible qu'un maçon puisse construire un immeuble de 5 étages à lui tout seul. Mmh. Et que j'ai trouvé des marchés de construction passés devant nos terres, où on voit bien que ce sont des entrepreneurs en maçonnerie ou en menuiserie qui sous-traitent la construction de ces immeubles, à laquelle participent des dizaines, voire des centaines d'ouvriers du bâtiment. Et donc, effectivement, votre thèse est beaucoup plus riche que ce que nous venons d'aborder avec vous momentanément. Elle a été dirigée, il faut les saluer tous les deux, par Florence Bourillon et par Jean-François Chanet. Et Florence Bourillon qui travaille depuis longtemps sur cette question de la municipalité parisienne avait déjà abordé avec nous ce genre de sujet à propos en particulier des quartiers où nous nous trouvons, du 16e arrondissement et de la rue Raynouard qui est tout juste derrière. Nous avions fait un documentaire justement sur le rattachement de ce quartier de Paris, au centre de Paris, avec les réformes de 1860. C'est votre sujet pour le nord de Paris, donc la Goutte d'Or et la Chapelle. Et on pourra avoir avantage à vous lire, en particulier pour tout ce que vous dites dans une deuxième partie sur le rapport aux révolutions. Mais nous devons nous arrêter ici. Alexandre Frondizi, vous avez évidemment soutenu il y a quelques jours, c'était le 17 novembre. Vous avez l'intention de la publier, cette thèse, on l'espère en tous les cas. On l'espère, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. La police de Paris est pour le gouvernement républicain d'une importance bien plus grande qu'elle ne l'était avant la Révolution pour le gouvernement monarchique. C'est dans Paris que les tronçons abattus et dispersés de toutes les factions cherchent à se rapprocher et à se réunir. C'est dans Paris que se cachent les hommes qui, après avoir porté les armes contre la République, cherchent vainement à rentrer dans une patrie qu'ils ont ensanglantée. C'est à Paris que viennent se réfugier ceux que poursuit le mépris de l'opinion publique, ceux qui ont des crimes à ensevelir dans le tumulte et dans l'oubli, ceux enfin qui, sans moyens d'existence, sans industrie, sans courage, espèrent vivre aux dépens de la société qu'ils inquiètent et qu'ils outragent. Joseph Fouché, 1800. Bonjour Jeanne-Laure Le Quang. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la thèse que vous venez de soutenir, c'était il y a 2 jours. Haute police, surveillance policière et contrôle social sous le consulat ou sous le Premier Empire, sous la direction de Pierre Cernat, qu'on salue. Et vous avez donc soutenu cette thèse en vous intéressant à la police d'exception, pourrait-on dire, sous le consulat et sous l'Empire, en ayant un chapitre consacré justement à l'exception parisienne, pourrait-on dire, sur le territoire de l'Empire, parce que ce territoire est évidemment beaucoup plus grand que la France que nous connaissons aujourd'hui, et en faisant des comparaisons entre, par exemple, la façon dont on surveille les populations suspectes à Paris ou dont on les surveille, par exemple, dans un département qui est celui de la Saône-et-Loire. Votre travail porte donc sur la surveillance des individus, sur la façon dont la police de Fouché et de Savary agit sur le territoire, et en particulier cette haute police que vous mettez entre guillemets dans votre thèse. Qu'est-ce que cette haute police dont vous parlez ? Oui, effectivement. En fait, j'ai commencé mon travail de thèse en imaginant que cette haute police, bah, conformément en fait aux fantasmes et aux mythes qui entourent la police de Fouché ou la police de Vidocq, témoigne Il y a trois livres qui sortent cette semaine. Oui, et puis le film avec Vincent Cassel qui sort dans trois semaines, est entouré de toute une légende, soit légende noire, soit légende dorée, dont en fait il fallait s'extraire du fantasme. Et donc tout l'enjeu de ce travail, c'était donc de questionner cette haute police qui était a priori pour moi, une police politique, une police chargée de gérer les opposants politiques, mais en fait, qui s'est avérée une police également de contrôle social, d'appréhension des classes dangereuses, et notamment dans Paris, c'est assez flagrant. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que dit dans ce texte Joseph Fouché. Il parle de ceux qui sont contre la République, des anti-républicains, mais il dit à la fin, ceux qui, sans moyens d'existence, sans industrie, sans courage, espèrent vivre aux dépens de la société, qu'ils inquiètent et qu'ils outragent, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui les mendiants ou les SDF. Exactement. Il y a vraiment cette imbrication dans ce travail de surveillance policière et politique entre ces franges d'opposants issus de la Révolution ou des opposants aussi royalistes et ces individus qui représentent des dangers politiques parce qu'ils ils représentent des troubles à l'ordre social alors qu'on veut mettre en avant une société entièrement ralliée, entièrement apaisée et unie autour de l'adoration d'un chef unique de plus en plus. Donc Bonaparte et puis Napoléon ensuite, et vous allez très précisément descendre justement dans cet édifice de la haute police que vous allez voir non pas comme un tissu magnifique et qui a été généralement considéré comme une sorte de merveille de l'esprit humain du contrôle des populations, mais un tissu mité, un tissu plein de trous où en fait plein d'individus passent à travers les mailles du filet parce que il y a le récit qu'on en fait. Qu'en ont fait Fouché ou qu'en ont fait Savary ou tous ceux qui y ont participé au sommet ou Vidocq. Et puis, il y a évidemment ce qu'est la réalité du contrôle de ces populations qui est beaucoup plus, disons, lâche qu'un tissu très serré. Exactement. Il y a vraiment cette double perspective, la perspective de l'intention, vraiment de l'ambition de la police de Fouché puis de Savary, qui est vraiment de mettre en place une surveillance capillaire, une surveillance la plus totale possible, avec notamment la mise en fiche. Il y a une innovation technique aussi de cette époque-là qui est la mise en place, non pas de registres de suspects où ça existait déjà, mais de fiches mobiles qu'on peut actualiser, etc. Donc vraiment cette ambition de surveillance totale, et puis l'efficacité qui reste relativement réduite avec les moyens de l'époque limités, les moyens humains et les moyens financiers, qui fait qu'il y a toujours des gens qui passent entre les mailles du filet et qu'on ne peut pas comparer la police de Fouché comme la police d'un État totalitaire, autoritaire du XXe siècle. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que vous partez justement de cette idée reçue, soit la légende noire, dites-vous, soit la légende dorée, donc une police qui serait particulièrement efficace d'un côté ou une police qui serait particulièrement totalitaire de l'autre, pour pouvoir vous intéresser finement à ce qui se passe, à ces mesures exceptionnelles, qui, dites-vous, par exemple, tournent assez rapidement, alors qu'au départ c'est pour protéger l'État, à une sorte de police garde du corps du souverain, c'est-à-dire c'est essentiellement pour éviter la mort du souverain, les attaques contre le souverain, donc Napoléon en l'occurrence, que cette police agit. La crainte, c'est évidemment que dans un État qui se structure à très grande vitesse, eh bien la disparition du souverain ne fasse tomber cet État qui est héritier de la Révolution française. Oui, cette idée de police garde du corps me semble vraiment assez neuve par rapport à la mise en place d'une police moderne depuis la fin du XVIIe siècle ou XVIIIe siècle. Et il y a vraiment ce double enjeu en fait de la garde du corps physique, essayer de briser tout risque d'attentat à la personne du chef, et puis aussi symbolique, on pourrait dire, avec toute une mise en place de surveillance de l'esprit public, qui n'est pas nouvelle, mais qui est vraiment centrée sur empêcher tout propos séditieux à l'égard de la personne de Napoléon. Alors, je dois dire que j'ai pas pu m'empêcher en vous lisant, et je pense que tous ceux qui vous liront une fois que votre thèse sera publiée, Jeanne-Laure Le Quang, de faire des comparaisons avec aujourd'hui. Vous les aviez forcément vous-même en tête. Vous commencez votre thèse il y a 6 ans, il y a les attentats de 2015, il y a l'état d'urgence exceptionnel qui se met en place, et vous parlez là, en l'occurrence, d'un état d'urgence permanent, voire d'un état d'exception sous Napoléon, qui se justifie d'un côté par les peurs qui sont attisées par le pouvoir, et de l'autre côté par la façon de rassurer contre ces peurs. Et vous dites, eh bien, c'est un jeu permanent où on attise les peurs d'un côté et on rassure de l'autre. Et évidemment, cela participe aussi de la volonté de mettre les citoyens dans le coup. Qu'ils participent eux-mêmes à la surveillance des populations, dites-vous, Jeanne-Laure Le Quang. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette idée de mise en scène, de jeu sur les émotions qui semble centrale, en fait, par rapport à l'idée, au fantasme d'une police de Fouché répressive qui enfermerait à tour de bras. On a beaucoup plus, en fait, une police de gestion de l'émotion qui, à la fois, attise les menaces, notamment les menaces de l'extérieur, hein, de la guerre extérieure qui est presque permanente, et les menaces intérieures, et en même temps rassure en donnant l'image d'un régime complètement rallié. Et dans ce rôle, cette perspective-là, il y a aussi de la participation populaire. Oui, on a, en fait, un régime qui... ne s'imposerait pas seulement du haut vers le bas, mais qui repose aussi sur une certaine adhésion, au moins d'une partie de la population, et la participation avec les mouchards, mais avec la dénonciation aussi, qui est importante. Alors, les mouchards, ceux qui ont lu Jean-François Parot et ses romans de la fin du XVIIIe siècle les connaissent, donc ce sont ces informateurs qui se répandent dans tout le tissu social pour pouvoir faire remonter des informations aux lieutenants de police au XVIIIe siècle et aux préfets de police sous Napoléon, en l'occurrence. Ces mouchards, ils existent encore, et vous dites c'est une continuité avec la police d'avant. Il y a les mêmes commissaires, il y a les mêmes inspecteurs, qui étaient des inspecteurs de police qui prennent un autre nom sous l'Empire. Mais néanmoins, ils sont là. Il y a donc une continuité, pas simplement la rupture révolutionnaire. Oui, bien sûr. Il y a vraiment cette idée aussi de briser l'exceptionnalité de l'Empire et de sa police en questionnant les continuités qui sont très fortes, et notamment humaines. Il y a d'ailleurs quelques parcours de mouchards bien sûr exceptionnels, de gens qui sont employés sous la Révolution et qui progressivement montent jusqu'à devenir une des personnalités centrales. Je pense à Vera, notamment, du ministère de la police, un rôle très important. Donc il y a toute cette continuité par-delà les ruptures politiques. Et donc, il y a tout ce tissu qui est monté, cette ambition panoptique, dites-vous, volonté de surveiller tout le monde dans toute la possibilité que l'on a d'avoir une vision très très large de la société, de surveiller ces individus dangereux, et en particulier tous ceux qui sont soupçonnés de travailler pour l'ennemi. Et donc d'être à l'intérieur de la société. Ce que vous montrez, ce qui est très intéressant, je trouve, Jeanne-Laure Le Quang, c'est que ce ne sont plus les mêmes ennemis que pendant la Révolution. C'est-à-dire que des révolutionnaires, et en particulier des Jacobins, évidemment, qui ne sont pas d'accord avec la prise de pouvoir par la force de Bonaparte devenu Napoléon, ne sont plus les ennemis principaux, les prêtres réfractaires non plus, les émigrés ne le sont plus non plus. Donc, en fait, on a changé d'ennemis. Qui sont les ennemis, justement, dans cette France napoléonienne pour cette haute police autour de Napoléon? Oui, il y a bien sûr toujours, on jette toujours un œil sur les émigrés, sur les anciens royalistes et les anciens opposants de gauche, mais il y a aussi vraiment cette question du lien à l'étranger, hein, cette obsession d'avoir des individus qui seraient des espions. Et ça d'ailleurs, il y a vraiment cette imbrication avec les classes dangereuses. Par exemple, j'ai le cas de mendiants, alors c'est à Quimper, c'est pas à Paris, mais de mendiants qui viennent par petits groupes et qu'on soupçonne d'être en lien à l'Angleterre. Donc ces nouveaux ennemis, qui sont aussi les militaires d'ailleurs, les militaires et les personnes en lien avec l'étranger. Vous dites que vous avez donc eu la possibilité, grâce à ces fichiers, ce fichier qui était constitué par cette haute police de Napoléon, d'analyser qui étaient les individus. Vous dites que plus de 55% des individus, eh bien, qui ont été dans ces fiches conservées, donc il y a 2001 fiches, je crois, dans ce que vous avez pu consulter, il y a 1131 fiches qui concernent justement ceux que l'on considère comme étant en lien avec l'étranger, bon, des chouans, des immigrés, ou ceux qui donc sont à l'intérieur comme étant soupçonnés d'être en lien avec un étranger hostile, évidemment, puisque nous sommes en pleine guerre napoléonienne. Oui, tout à fait. Et parmi ces personnes en lien avec l'étranger, il y a encore une autre catégorie qui sont les gens en lien avec l'Angleterre, qui est vraiment l'ennemi central de l'époque. Donc il y a vraiment une espèce d'obsession de personnes qui seraient chargées de, voilà, d'accueillir les ennemis extérieurs. Mais c'est, finalement, c'est aussi une continuité avec la Révolution, notamment la période de 1793-94, où il y avait aussi cette idée de l'ennemi intérieur très forte. Alors, quand on a lu effectivement des travaux comme ceux de Delphine Diaz qui succèdent aux vôtres et qui travaillent en particulier sur la surveillance des individus dans la France des années 1820-1830, etc., on s'aperçoit effectivement qu'il y a une surveillance qui permet justement d'écarter les individus dangereux de la ville de Paris. Ça se met aussi en place pendant cette période qui est la vôtre du consulat et de l'Empire. On va déplacer les gens, comme on les déplace aujourd'hui pour faits de terrorisme, par exemple, dans des petites villes, dans des cités, dans des campagnes, pour les éloigner de cet endroit qui peut être le cœur des révolutions, c'est-à-dire Paris. Oui, c'est ce qui s'appelle, dans les archives de l'époque, la surveillance spéciale. Donc, en fait, c'est un envoi en exil intérieur, en fait, en résidence surveillée, où ils sont expulsés de Paris ou de lieux jugés sensibles pour être disséminés, ces suspects, dans des endroits jugés moins sensibles, sous la surveillance des autorités locales, qui peut être très diverse. Effectivement, on a des lieux où ils doivent pointer à la municipalité deux fois par semaine, d'autres fois où c'est deux fois par mois. Donc il y a évidemment un taux d'évasion, de disparition dans la nature de ces personnes surveillées assez important. En tout cas, ça me paraît vraiment tout à fait neuf, hein, ce placement en résidence surveillée, qui est une invention et qui persiste tout au long du 19e siècle. C'est vraiment une création de la période impériale qui continue ensuite. Et on peut dire qu'elle continue encore jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon. Vous insistez sur la dépolitisation des opposants politiques. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire, vous dites, en fait, pour banaliser, d'une certaine façon, le fait qu'il y ait encore des opposants dans un empire dont on voudrait qu'il soit uni autour de son souverain, autour de l'empereur, vous dites, en fait, il faut les déqualifier. C'est-à-dire, il faut enlever l'étiquette d'opposant politique et donc les considérer plus ou moins comme des droits communs, qu'on arrête pour des faits de droits communs et non pas pour une opposition à l'empereur. Oui, tout à fait. C'était quelque chose qui avait été déjà mis à jour par le trait de Nathalie Petitot. Mais on a vraiment, dans le vocabulaire, c'est très, très notable. Par exemple, les policiers, peu à peu, ne parlent plus de royalistes, parlent plus de jacobins, mais on a vraiment cette appréhension du suspect qui est ôtée de ses motivations politiques pour l'englober dans une surveillance toujours persistante, mais qu'on prétend comme ne relevant plus de l'opposition. Et vous dites que c'est une entreprise policière volontaire de brouillage des codes, d'une certaine façon. Vous dites, ouais, en fait, la police fait en sorte de brouiller les codes et de faire en sorte qu'entre criminels de droit commun et opposants politiques, on ne s'y retrouve plus vraiment et qu'on ne sache plus vraiment qui on a arrêté. Exactement, c'est à deux destinataires en fait cette mise en scène. C'est à la fois la population, puisqu'il faut faire croire à un régime tout entier, une population tout entière ralliée, mais aussi Napoléon, qui est un des destinataires principaux de ces mesures de police. Et il faut lui montrer à lui-même aussi que sa population est entièrement unie, qu'il n'y a plus d'opposition. Et donc ce Napoléon, vous dites, eh bien, il concentre tout de même très fortement tous ces renseignements dans sa propre main, tout remonte à lui tout de même. C'est là où, effectivement, la légende bâtie d'une haute police très organisée et très structurée fonctionne encore un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, ça monte jusqu'au souverain lui-même. Il ne délègue pas ou très peu. À partir de 1810, je crois que vous dites ça, il commence à déléguer. Mais avant 1810, tout est dans sa propre main. Disons qu'il a vraiment l'intention de tout connaître. Donc il y a des bulletins quotidiens envoyés par le ministère de la police à Napoléon chaque jour, des bulletins aussi de la préfecture de police. Après, évidemment, la police trie les informations qui arrivent à l'empereur. Il y a tout ce jeu aussi, qu'est-ce qu'on lui montre, qu'est-ce qu'on ne lui montre pas, pour montrer qu'elle fait bien son travail. Et évidemment, il ne connaît pas tout, mais il a vraiment cette volonté de contrôle. C'est pour ça qu'il est le destinataire principal de ces mesures important selon moi. Et donc ce travail que vous avez mené de thèse autour de cette haute police, de cette surveillance policière, de ce contrôle social, vous comptez, j'imagine, le poursuivre sur d'autres terrains. C'est-à-dire qu'est-ce qui d'une certaine façon, quand on fait une thèse pendant 6 ans, je crois c'est 6 ans pour la vôtre en l'occurrence, mais vous avez déjà entamé le travail pour le master auparavant, c'est cela. Eh bien, quand on fait un travail aussi long, d'une certaine façon, on a encore des regrets, on a des choses dont on se dit, tiens, j'aurais dû l'ajouter, ou il me reste encore de quoi faire sur d'autres terrains que je n'ai pas eu le temps d'aborder, d'autres archives, et en particulier la comparaison peut-être avec d'autres systèmes à l'étranger. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on a, c'est jamais, la recherche n'est jamais un travail clos. Donc, à la fois, l'envie d'aller voir plus dans les départements ruraux, notamment pour relativiser toujours la légende et le fantasme de l'efficacité totale de cette police. Et également, oui, comparer à l'international pour relativiser, voir ce qui se passe sur le plan de la surveillance dans d'autres pays. Pour questionner cette exceptionnalité de la police napoléonienne. Merci beaucoup, Jeanne-Laure Le Quang, donc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Dans cette quatrième émission consacrée donc, aux thèses soutenues dans l'année. La vôtre est soutenue depuis 2 jours, donc oui. Bravo à vous. J'imagine que vous réfléchissez vous aussi à une publication, mais qu'il va falloir un peu de temps pour remanier tout cela et oui. Le faire publier. J'aimerais bien, oui. Merci beaucoup, Jeanne-Laure Le Quang. Et donc, nous avons une troisième invitée aujourd'hui, Solène Rivoal, qui nous parle de Venise. Dans Venise, la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau. Pas un falot. La lune qui s'efface couvre son flot qui passe de nuages étoilés, de nuits voilées. C'était fort les gardes aux longues hallebardes qui veillent au créneau des arsenaux. Venise de Charles Gounod, interprété par le baryton Gabriel Baquier et Jean Laforge au piano. Bonjour à vous, Solène Rivoal. Bonjour. Merci d'être avec nous. On s'est croisé hier à la soutenance de thèse d'une de celles qui est venue, Jeanne Marquet, mardi, nous parlait, Julie Marquet, pardon, nous parlait mardi de ses travaux sur les établissements français de l'Inde. Vous y étiez parce que vous la connaissez et vous êtes vous-même donc thésarde, docteur maintenant. En histoire, puisque vous avez soutenu au mois d'avril dernier une thèse sur la materia del pesce, donc Venise et les produits de la mer au XVIIIe siècle, sous la direction de Brigitte Marin et de Paola Lancro. Lanaro, pardon, excusez-moi, j'ai mal écrit. Paola Lanaro. Donc, votre thèse porte sur le poisson. Oui. À Venise, oui. Et on peut se dire, tiens, c'est curieux, le poisson, est-ce que c'est un objet social total? Eh bien, vous nous montrez dans votre thèse que c'est un objet social total, plutôt, ça n'est pas un objet, c'est un être vivant, social et total, puisque à partir de ce poisson, nourriture essentielle sur la lagune de Venise, eh bien, vous nous montrez comment au XVIIIe siècle, des crises qui sont liées, qui ne sont pas des crises frumentaires, mais des crises d'alimentation, ont fait que le statut de ceux qui s'occupaient de ces poissons, des pêcheurs, des confréries de pêcheurs, par exemple, a pu changer tout au long du XVIIIe siècle et qu'il y a, avant la fin du XIXe siècle, un profond changement dans la gestion de l'alimentation, dans la gestion de l'approvisionnement de Venise en poissons. Et c'est absolument passionnant puisque vous partez de tous les métiers qui tourne autour de cette question du poisson. Et vous nous expliquez, par exemple, qu'il y a une justice, la vieille justice, telle qu'on l'appelle à Venise, qui va prendre en main, administrer de façon de plus en plus ferme tout au long du 18e siècle, cette question de l'approvisionnement de Venise en poisson. Oui, voilà. En fait, je me suis intéressée donc à cet approvisionnement de Venise en produits de la mer parce que le poisson me permettait d'essayer de comprendre un peu les mécanismes urbains de la ville, donc d'approvisionnement, mais aussi d'entrevoir un peu les relations de gestion en fait autour d'un produit local, d'un produit très consommé. Et ça me permettait finalement de comprendre un peu la gestion de l'approvisionnement dans son ensemble. En fait, c'était pas du tout. Enfin, au début, je m'attendais pas à grand chose. Je voulais étudier ce système-là et le poisson me semblait une bonne entrée. Et puis finalement, du début à la fin du siècle, j'ai effectivement remarqué ce changement d'état, donc changement de statut aussi des produits de la mer, c'est-à-dire que les produits de la mer sont considérés soit comme des ressources à protéger, soit comme des biens d'alimentation nécessaires, soit comme des marchandises, et ça dépend en fait des acteurs que l'on étudie. Et puis c'est aussi une transformation qui va se faire tout au long du siècle, avec bien sûr au XVIIIe siècle cette idée qu'il y a beaucoup de changements européens, donc des politiques notamment d'économies plus libérales qui vont se mettre en place, et on le voit aussi à Venise. Et donc en fait c'est une façon d'essayer de changer les approvisionnements à cette époque-là, oui. Alors, ce qui est absolument passionnant, c'est justement ce que vous venez de dire, c'est de montrer que Venise n'est pas évidemment sous cloche, que ça n'est pas une ville sous cloche au XVIIIe siècle, mais qu'elle est ouverte à toutes les influences, qu'elle est elle-même, on la considère souvent comme cela, et vous nous dites effectivement qu'il y a beaucoup moins de travaux d'historiennes et d'historiens sur ce XVIIIe siècle vénitien, parce qu'on considère que c'est une ville en déclin d'une certaine façon, mais vous montrez qu'elle tente de s'adapter, et en particulier qu'elle est ouverte à ces discussions autour du physiocratisme, autour du libéralisme économique et politique, et que ça a des conséquences, justement, sur cet approvisionnement en poissons. Expliquez-nous comment, Solène Rivoal. Alors, en fait, ce que j'ai essayé de voir, c'est qu'effectivement, on a des travaux sur Venise au XVIIIe siècle, mais qui s'intéressent beaucoup à l'histoire culturelle de la ville et qui s'intéressent beaucoup, en fait, à l'organisation de Venise comme capitale culturelle. Il y a d'ailleurs une exposition à Paris, c'est exactement Venise éblouissante, où on retrouve en fait tout ce qu'on connaît de Venise, où on fait une grande part au carnaval, voilà. Donc toute cette vie culturelle vénitienne est bien connu. En revanche, au XVIIIe siècle, il y a très peu de travaux qui s'intéressent aux politiques économiques et sociales de la ville. Et c'est effectivement, moi, c'était un de mes buts, c'est-à-dire qu'en travaillant sur le poisson et en travaillant sur l'approvisionnement local des populations et des habitants de Venise, je voulais avoir accès à la ville et aux habitants de la ville, et donc essayer d'organiser au-delà de cette vie culturelle. Ça, c'est... Et justement, alors, en quoi ces changements des idées, pourrait-on dire, de ce siècle d'idées-lumière, ces changements d'idées intellectuelles ont-elles un impact sur la vie quotidienne de ceux qui travaillent autour de la pêche à Venise ? Alors en fait, je me suis intéressée, comme a dit Alexandre tout à l'heure, mon ambition c'était d'essayer de comprendre ces circuits d'approvisionnement par le bas. Donc je suis partie du poisson, des pêcheurs, et pas des politiques, enfin en tout cas pas de la volonté de mettre en lumière ces politiques libérales, et je les ai trouvées quand même, mais avec une double influence, si vous voulez. C'est une sorte de politique d'approvisionnement qui va se mettre en place entre, d'un côté, les intérêts des pêcheurs et, de l'autre côté, les magistrats qui vont essayer d'organiser, en fait, cet approvisionnement. Et ce qu'on voit au XVIIIe siècle, c'est que progressivement, effectivement, ces magistrats, influencés par toutes les idées libérales européennes, vont récupérer, en fait, petit à petit, ces questions d'approvisionnement et essayer d'imposer de plus en plus des lois, un droit qui va s'appliquer à tous. Alors que ce que j'ai pu voir, en fait, à la fin du XVIIe siècle, c'était plutôt une sorte d'organisation un peu... Auto-organisée. Auto-organisée, ou en tout cas, c'était... un système qui était vraiment pensé entre les communautés de pêcheurs et les magistrats. Oui, alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement, entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, vous nous montrez une vraie différence autour de ces métiers. Et en particulier, vous nous montrez comment, depuis le XIIIe ou XIVe siècle, c'était constitué, non pas des corporations, mais des confréries. Il y a une corporation, celle des poissonniers, qui sont généralement d'ailleurs d'anciens pêcheurs, expliquez-vous, oui. Solène Rivoal. Oui. La Compravendi Pêché, c'est ça ? Oui. Qui est la seule corporation en matière de pêche, mais il y a des groupes et en particulier des groupes qui sont liés à une appartenance d'un quartier. Le quartier de San Nicolas, par exemple, avec les Nicolotti, les pêcheurs les plus influents, donc, qui vont perdre leur pouvoir de suggestion, d'expertise, pourrait-on dire aussi. Parce que il y a tout autour de cela, votre travail porte aussi sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement durable, la gestion des ressources. Ils sont des experts, ils connaissent leur métier, ils savent que telle année, ça va être moins bon qu'à telle autre année, comment gérer justement ces ressources au mieux pour que Venise soit toujours alimentée. Et vous dites, au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, ils vont perdre un peu la main. Oui, en fait, il y a plusieurs communautés de pêcheurs dans la lagune. On en compte 5 de communautés de pêcheurs, dont 2 sont sur le site de Venise, donc prennent effectivement place sur le site de Venise. Ce sont des communautés de pêcheurs qui sont formées à partir d'un territoire précis et de tous les métiers, ce que j'ai appelé les métiers qui tournent autour du poisson. Hein. C'est pour ça qu'en fait, dans ma thèse, le poisson est central. C'est que quand on s'intéresse à l'élément, en fait, on comprend l'organisation qui a été mise en place. Donc, on a une sorte de polyactivité dans ces communautés autour du poisson, qui peuvent être vendeurs, pêcheurs, sortir de la lagune et aller pêcher en Adriatique. Et ces communautés, en fait, sont relativement autonomes dans la gestion de ces ressources, effectivement. Elles proposent ou elles sont entendues en tout cas par les magistrats pour administrer la lagune, donc pour essayer d'organiser quels sont les espaces de pêcherie, quels sont les espaces qui vont être dédiés à la pêche en dehors de ces pêcheries, etc. Et effectivement, on envisage peu à peu, enfin avec les pêcheurs, si ce sont des années où il y a beaucoup de poissons qui rentrent dans la lagune, par exemple, et qui vont pouvoir être élevés dans les pêcheries, ou bien s'il faut effectivement aller en chercher un peu plus à l'extérieur. Donc ça, c'est un point sur l'expertise. Le deuxième point où on retrouve l'expertise des pêcheurs, c'est par exemple la fixation des prix. Mmh. On a des prix fixes à Venise parce que c'est justement un marché régulé, un marché qu'on considère aussi comme un marché de subsistance. Oui, c'est du service public du poisson, pour être honnête. Un peu, voilà. Ouais. Alors, le poisson, c'est très intéressant parce que tous les habitants en consomment. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, en 1737, vous avez des poissons qui coûtent 2 sous la livre et c'est un des aliments les moins chers du marché. Si vous regardez les prix du fromage, des abats, etc., bah vous avez pas, enfin c'est un prix qui est relativement bas. Et en revanche, jusqu'à des prix qui peuvent atteindre 52 sous la livre et c'est considéré, ça ce sont des saumons, des choses comme ça, qui sont considérés comme des produits de luxe en fait. Hein. Oui, parce que vous avez calculé avec d'autres combien les Vénitiens se nourrissent de poissons, c'est assez exceptionnel, je crois que j'ai lu que c'était 2 livres par personne et par semaine, c'est ça? Voilà, alors en fait j'ai un document de cette vieille justice qui essaye d'envisager la consommation vénitienne et qui l'envisage à 2 livres par semaine. Alors, donc un kilo de poisson par... Alors, de livre, c'est à peu près 500 grammes ou c'est alors, la livre, en fait, le problème de ce document, c'est qu'on ne sait pas si ce sont des livres sottile o grossa. Et donc, c'est entre 300 et 500 grammes. Voilà. Donc, c'est entre 600 et 1 kilo. De poisson par semaine par personne. Donc, on voit bien que ça n'est pas comme le pain, par exemple, pour d'autres parties et d'autres régions du XVIIIe siècle, comme Paris, par exemple, et les travaux de Stephen Kaplan sur l'importance du pain. Là, en l'occurrence, le poisson, c'est essentiel pour maintenir l'ordre social, pourrait-on dire. Oui. Il faut éviter que les prix du poisson ne flambent, il faut pouvoir les fournir. Et donc, c'est tout ce que vous travaillez dans votre thèse, c'est la façon dont s'était mis en place un système depuis le 16e, 17e siècle au moins, et comment ce système se transforme. Vous expliquez en particulier eh bien, qu'on va étendre les zones de pêche en dehors de la lagune, qu'on va aller chercher dans l'Adriatique, qu'on va aussi étendre ces vallées d'Apesca. Ça veut dire quoi, les vallées d'Apesca? C'est les pêcheries, les élevages de poissons, en fait. Mais qu'on va faire la place, dites-vous, aux individus et aux investisseurs, c'est-à-dire un peu comme Alexandre Frondizi nous expliquait qu'il y avait d'investissements privés pour pouvoir faire la ville à la fin du 18e ou au début du 19e. Et bien vous, à la fin du 18e, vous voyez cet investissement privé dans les pêcheries. Oui, en fait, il y a une évolution qui est très nette, c'est-à-dire que ce qui va se passer à Venise, c'est que comme c'est un marché de subsistance, ce qui est très intéressant pour les magistrats, c'est effectivement qu'il y ait assez de poissons dans la ville pour pouvoir approvisionner les habitants. Et en fait, ce qui est assez intéressant à Venise et ce que des historiens ont montré, c'est qu'il y a ce que certains historiens ont appelé une politique environnementale de la lagune dès le Moyen-Âge, parce que dès le Moyen-Âge, on trouve des traces dans les archives de ces magistrats vénitiens qui s'inquiètent d'une gestion raisonnée. Voilà, qui s'inquiète du stock de poissons qui faiblit dans la lagune. Et donc du coup, ils vont essayer de mettre en place des pêcheries pour essayer de pallier le manque qu'il y aurait. Et effectivement, à partir du XVIIe siècle, on a des nouvelles techniques de pêche qui permettent de faire des grandes campagnes de pêche en Adriatique et d'approvisionner, ou en tout cas d'être une autre source d'approvisionnement. Ce qui va se passer au XVIIIe siècle, c'est que l'ensemble de ces grandes pensées des Lumières et puis de cette économie plus libre, plus libérale, va mettre en fait sur le devant de la scène des experts savants qui vont essayer de penser cette raréfaction de la ressource. Et ce qu'on retrouve très bien dans les documents politiques, c'est que la faute, la cause en fait de cette raréfaction, ce serait les pêcheurs. Voilà, c'est donc les pêcheurs passent du statut d'experts de la connaissance de leur métier et de leurs ressources à accuser d'une certaine façon, un peu comme on pourrait voir aujourd'hui les agriculteurs accusés d'être les responsables de la transformation des paysages et de l'approvisionnement. Et ça, c'est ce que vous avez montré dans votre thèse. On est obligé de s'arrêter là, en l'occurrence, Solène Rivoal. Merci beaucoup donc pour ce travail donc mené sur Venise et les produits de la mer au XVIIIe siècle sous la direction de Brigitte Marin et Paola Lanaro. Ce coup-ci, j'ai bien prononcé son nom. Merci encore et bonne continuation à Londres, puisque vous faites partie de celles et de ceux qui partent ensuite pendant 6 mois ou pendant 1 an en post-doc, et vous êtes ces temps-ci à Londres. Merci encore à vous. Merci. Titre de note manouche sous les ponts de Venise pour terminer cette émission. Merci encore donc à Solène Rivoal et à vous également Alexandre Frondizi et puis à vous Jeanne-Laure Lecouanque pour votre thèse, et merci à tous les docteurs, hommes et femmes qui ont participé à cette série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire depuis le début de cette semaine. Ils ont ou elles ont soutenu leur thèse cette année. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc, Aurélie Marcet et Marion Dupont exceptionnellement. Jacques Hubert était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou réécouter cette série d'émissions avec de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, demain, histoire et actualité. Nous vous parlerons entre autres d'une nouvelle revue en ligne. Vous la découvrirez. Ce sont justement des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui y participent.